1953, Allemagne de l'Est. 1956, Pologne, puis Hongrie. 1968, Tchécoslovaquie. Régulièrement, tout au long de la période de glaciation communiste en Europe de l'Est, des pays ont essayé de secouer le joug soviétique. Mais, à chaque fois, ce sont les chars de l'armée rouge qui ont mis fin à ces tentatives d'émancipation. Pour Moscou, il était évident qu'il fallait éviter la contagion et donc l'effondrement du bloc de l'Est. Pour l'Occident, au contraire, il était tentant d'enfoncer un coin dans le rideau de fer en aiguillonnant les rebelles et en leur apportant une aide plus ou moins déguisée. Mais à chaque fois, c'est la Realpolitik qui l'a emporté. Et jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'Europe est demeurée telle qu'elle avait été dessinée à Yalta à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire des révolutions manquées a été émaillé d'interventions secrètes et d'obscures manœuvres. Ainsi en a-t-il été au cours de ce que l'on a appelé le printemps de Prague en 1968. Un mouvement qui a nourri, pendant quelques mois, l'illusion d'une possible édification d'un socialisme à visage humain, débarrassé des tares du communisme à la soviétique. Monsieur X revient sur ces événements et ses ressorts les plus secrets, un épisode qu'éclaire des documents récemment déclassifiés à l'Est. Vous connaissez bien sûr l'histoire du brave soldat Schweck. Ouais, la pièce de Bertolt Brecht. Hein. Une histoire qui se passe sous la Seconde Guerre mondiale. Mais auparavant, il y a un roman de l'écrivain tchèque, Jaroslav Hasek, qui se déroule pendant la Grande Guerre. Je résume. Schweck est un marchand de chiens. Il a été réformé pour débilité mentale. Mais quand éclate la Première Guerre mondiale, il est quand même mobilisé dans l'armée impériale austro-hongroise. Tout à la fois soumis et zélé, il épuise ses supérieurs et ce naïf les conduit au bord de la folie. Mmh. Oui, très belle histoire. Hein. Mais pourquoi commencez-vous par là? Parce que pour certains, ce Schweck symbolise le peuple tchèque. Mais son histoire peut se lire de deux façons. Pour les uns, les Tchèques sont passifs, dociles, et donc incapables de faire face à l'ogre soviétique, tout comme ils se sont autrefois inclinés devant Hitler. L'affaire des Sudètes. Hein. Oui, toutefois, pour d'autres, au contraire, Schweck est un personnage positif qui finit par triompher de l'autoritarisme et de la bêtise. Mais un héros, quoi. Même si c'est un héros malgré lui. Et cette fable politique explique en partie l'attitude des grandes puissances pendant le printemps de Prague. Enfin, n'allons quand même pas trop vite. Ça, je m'y attendais, là. Bon, un petit retour en arrière, d'abord. C'est l'armée rouge qui libère la Tchécoslovaquie au début de 1945. L'armée rouge qui demeure dans le pays après la libération. Toutefois, alors que dans d'autres pays de l'Est, l'URSS a imposé une soviétisation brutale, la Tchécoslovaquie échappe un temps à ce rouleau compresseur. Et le président Beneš, qui a signé pendant la guerre des accords avec Staline, recouvre le pouvoir. Il espère même que son pays saura se maintenir à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est une illusion, hein. Bien sûr. Pour Staline, il est évident que la Tchécoslovaquie relève de sa zone d'influence. D'autant qu'en 1946, les élections ont consacré la primauté du Parti communiste, qui va détenir la plupart des ministères clés, et peu à peu va infiltrer la police et l'armée de cette jeune république socialiste et démocratique. Et dès 1947, Staline jette le masque. Alors que le gouvernement tchécoslovaque vient à l'unanimité d'accepter l'éventualité de bénéficier du plan Marshall. L'aide américaine à la reconstruction économique. Oui, et bien Staline met son veto. Et Beneš doit s'incliner. Quelques mois plus tard, au début de 1948, c'est le coup de Prague. À la suite d'une manifestation monstre, les communistes s'emparent de la totalité du pouvoir. Beneš démissionne et est remplacé par Clément Gottwald. Bientôt, les partis bourgeois, comme les appellent les communistes, sont déclarés hors la loi. La Tchécoslovaquie est devenue une démocratie populaire. Et jusqu'à la moitié des années 60, il ne se passera plus rien. À l'exception peut-être d'émeutes urbaines en 1953 en Bohême et Moravie. Schweck subit. En effet. Mmh. Et même les événements de Budapest en 1956 et la mise au pas des Hongrois n'auront aucun écho dans le pays. La Tchécoslovaquie est même considérée comme la meilleure élève de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire la plus disciplinée, quoi. Oui, enfin, ou la plus soumise, comme vous voudrez. Mais il faut dire que la normalisation qui a suivi le coup de Prague a été impitoyable. L'épuration a touché des centaines de milliers de citoyens et même des dirigeants communistes ont été victimes de la répression exigée par Staline. Slansky et Arthur London, oui, entre autres. Le maître du Kremlin en a profité pour se débarrasser des dirigeants historiques qui avaient souvent combattu en Espagne au sein des brigades internationales. Oui, qui avaient donc été témoins des crimes soviétiques commis là-bas. Hein. Autant d'hommes qui, à cause de leur résistance au nazisme, pouvaient aussi faire de l'ombre à Staline. Enfin, passons. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va changer, là, au milieu des années 60? Il faut d'abord dire que la Tchécoslovaquie, au sein des démocraties populaires, occupait une place à part. Pourquoi? À cause de son passé industriel et industrieux, elle jouissait de conditions économiques relativement confortables. Et les citoyens vivaient mieux que les autres habitants du bloc de l'Est. Ce qui explique sans doute la passivité des Tchèques, qui n'ont, par exemple, après les révélations des crimes de Staline par Khrouchtchev, jamais demandé la déstalinisation et la réhabilitation des dirigeants condamnés à tort. Mais dans les années 60, ça change. Que se passe-t-il alors? Le pouvoir décide alors une nouvelle vague de collectivisation et le lancement d'un programme d'industrialisation lourde. Le modèle soviétique, quoi. Oui, oui, comme en URSS, ça produit des effets détestables, c'est-à-dire une récession économique et une sérieuse pénurie de biens de consommation. Mmh. Comment réagit la population? Elle commence à gronder, tant et si bien que le gouvernement doit renoncer au plan quinquennal qu'il avait préparé. C'est un signal d'alarme. Pas incontestablement. Mais les dirigeants au pouvoir ne s'inquiètent pas outre mesure, et surtout parce qu'ils tiennent solidement le pays, grâce au Parti communiste d'abord. Tout le pays est étroitement contrôlé, dont les principaux secteurs de la vie économique ou culturelle. Il y a aussi l'armée, épurée lors de la normalisation. Ses principaux cadres ont été formés en URSS. Et parmi eux, il y a de nombreux officiers qui sont en réalité des agents soviétiques. Et puis à la police? Surtout la police secrète, le STB, c'est-à-dire la sécurité de l'État. Un organisme complètement inféodé au KGB et qui surveille la population et accomplit aussi à l'occasion quelques mauvais coups pour le compte des services soviétiques. Peut-être vous souvenez-vous de l'affaire Trémaux. Oui, l'épouse du préfet Trémaux. C'est ça, oui. Tuée à Strasbourg dans l'explosion d'une boîte de cigares piégée. Eh bien, c'était le STB qui se trouvait derrière. Le STB qui avait agi à l'instigation du KGB et qui voulait alors distendre les relations entre la France et l'Allemagne en faisant croire à la renaissance outre-Rhin d'organisations nazies revanchardes. Ouais. Une campagne menée d'ailleurs dans le monde entier, si je me souviens bien. Ouais. Tout à fait exact, oui. Mmh. En tout cas, avec de tels moyens de contrôle, les dirigeants communistes tchèques pouvaient assez légitimement se croire à l'abri d'un mouvement de révolte tel qu'il s'était produit en Hongrie en 1956. Cependant, dès l'année 1967, la contestation commence à montrer le bout du nez. Mm-hmm. Qui? Bon, comme bien souvent, ce sont les intellectuels qui donnent le là. Que veulent-ils alors? Une plus grande liberté d'expression. Mm, ouais. Réponse du pouvoir? Fermeté, durcissement. Ainsi, en octobre 1967, une manifestation d'étudiants est brutalement réprimée par la police. Mm. Et ça ne fait qu'accroître le mécontentement? Bien entendu. Mm. D'autant que le feu couve à l'intérieur même du Parti communiste. Alexandre Dubček, secrétaire du PC slovaque. Il ne faut jamais oublier que la Tchécoslovaquie est alors formée de deux entités distinctes. La Tchéquie, proprement dite, et la Slovaquie. Dubček, donc, reproche à Novotný, président de la République et chef du Parti communiste, de négliger les intérêts des Slovaques. Au profit des Tchèques. Naturellement. Et la querelle s'envenime très vite. Tant et si bien qu'au mois de janvier 1968, le présidium du parti tchécoslovaque élit Dubček à la place de Novotný au poste de premier secrétaire. Mmh. Un remplacement qui, enfin, je l'imagine, n'a pas pu se faire sans l'aval de Moscou. Bien évidemment. Mmh. Ce qui signifie que pour le Kremlin, Novotný a fait son temps. Novotný et surtout sa politique de répression qui risquait à terme de faire sauter le couvercle de la marmite. Mmh. À ce moment-là, les soviétiques font donc confiance à Alexandre Dubček. Oui. Le dirigeant slovaque est plutôt bien vu à Moscou. On lui donne même du « notre Sacha », une appellation particulièrement amicale. Mmh. Qui est cet homme si flatteusement considéré au Kremlin? C'est un pur produit du système. Un apparatchik, fils d'un charpentier communiste, il passe une partie de son enfance en URSS où ses parents ont décidé de s'installer. Mais le paradis soviétique n'étant pas tout à fait ce que Dubček père espérait, la famille revient en Tchécoslovaquie. À la fin des années 40, le jeune Alexandre adhère au Parti communiste. C'est-à-dire à l'époque où les staliniens épurent, brutalement. Et apparemment, Dubček n'a alors pas d'état d'âme. Puis il grimpe les échelons et suit même les cours d'une école supérieure du parti à Moscou. À son retour, il entre au comité central et dès 1963, il est nommé à la tête du parti slovaque. Ah, une carrière exemplaire. Un apparatchik, je vous l'ai dit. Et si Moscou n'avait pas eu confiance en notre Sacha, il n'aurait jamais succédé à Novotný. Et c'est pourtant ce même homme, discipliné et d'apparence un peu terne, qui va bouleverser le monde communiste, redonner espoir à son peuple et à tous les déçus du stalinisme, et inventer le socialisme à visage humain. En 1998, dans un article publié par Libération, à l'occasion du 30e anniversaire du printemps de Prague, le président de la République tchèque, Václav Havel, analyse ainsi l'éclosion du mouvement de 1968. Cette évolution n'était pas l'aboutissement d'un programme précis ou d'une volonté unanime de ceux qui dirigeaient l'État et le Parti communiste, c'était une manifestation de la surpression existant dans la société et qui, à travers la lutte au sein du parti et les changements politiques de la société d'alors, a trouvé le moment et l'occasion favorable pour faire sauter le couvercle. La peur disparaissait, des tabous étaient levés, les diverses contradictions sociales pouvaient enfin être appelées par leur nom, les médias commençaient enfin à accomplir leur mission véritable, l'esprit civique s'épanouissait. C'était évidemment un moment fort, et il était difficile de ne pas être concerné et fasciné. Je sentais pourtant l'embarras des dirigeants face à cette évolution. Soudain, ces hommes faisaient l'objet d'un soutien général et de sympathies spontanées, chose qu'ils n'avaient pas connue jusqu'alors. Ils n'avaient pas accédé au pouvoir de façon démocratique et ne connaissaient que des manifestations de soutien artificiellement organisées par leurs pairs. N'oublions pas qu'il s'agissait, dans la plupart des cas, de bureaucrates du parti avec tous les préjugés, toutes les manies qui étaient les leurs, sauf qu'ils étaient un peu plus libres d'esprit, plus corrects et intelligents que ceux qu'ils venaient de remplacer. Le paradoxe dans cette affaire du printemps de Prague, c'est que Dubček et tous les dirigeants du parti qui vont secouer le cocotier ont reçu l'assentiment de Moscou. Et l'onction du KGB. Pourquoi pas. Le service est alors depuis peu présidé par Yuri Andropov, un homme redoutablement intelligent et un grand manipulateur. Et qui a mené de main de maître, hein, enfin, du moins aux yeux des maîtres du Kremlin, l'affaire hongroise. C'est en effet lui qui a roulé dans la farine les dirigeants hongrois et assumé ensuite la responsabilité de la répression. Alors c'est vrai, il n'est pas exclu qu'Andropov en personne ait encouragé Dubček et lui ait permis de devenir le numéro un du Parti communiste tchécoslovaque. Ouais, dans le but de chasser les caciques, là. Les dinosaures, vous voulez dire. Tous ces conservateurs qui conduisaient le pays vers l'abîme. Enfin, poursuivons. Dubček n'arrive pas au pouvoir les mains vides. C'est-à-dire ? Ben, il a déjà élaboré un programme politique. Un programme qui, il faut le noter tout de suite, est très proche de celui que Gorbatchev mettra en œuvre plus tard en URSS. Glasnost, Perestroïka et l'Est. Exactement. Alors, plus précisément, là, pour... ben, le point essentiel, c'est la démocratisation du régime. La démocratisation et pas la démocratie, car fondamentalement, Dubček reste un apparatchik qui n'entend pas mettre en cause le fondement du régime, c'est-à-dire le rôle dirigeant du Parti communiste. Mais cette démocratisation, alors qu'est-ce que ça veut dire ? La mesure la plus spectaculaire que prend Dubček, c'est l'abolition de la censure politique. Et fait inouï, dans une démocratie populaire, on va voir les écrivains, les journalistes, les cinéastes, enfin les gens de télévision, s'exprimer librement. Et ils vont s'en donner à cœur joie. Dans cette émancipation, l'union des écrivains, à laquelle appartiennent Milan Kundera et Václav Havel, joue un rôle notable. Mais d'autres membres de la société civile réunis au sein de clubs, comme celui des anciens prisonniers politiques, accompagnent le mouvement. Et sur le plan économique, Dubček plaide pour l'autogestion des entreprises et la fin de la centralisation. Le Parti communiste est donc plus ou moins écarté des prises de décisions économiques. Mais tout cela... est-il réaliste ? C'est bien le problème. Est-il possible de démocratiser un régime qui demeure communiste ? Bref, la démocratisation est-elle soluble dans le communisme ? Oui, c'est la question qui se pose à Dubček, d'autant que ses propres partisans le poussent à aller toujours plus loin. Certains réclament l'instauration du multipartisme et même la sortie de la Tchécoslovaquie du pacte de Varsovie. Oui, il faut le rappeler, c'est le pacte militaire qui lie entre elles les démocraties populaires. Sous la férule de l'URSS. Et là, forcément, ça coince, parce que Moscou ne peut pas accepter un tel sacrilège. Une décision qui risquerait de donner des idées aux autres membres du pacte de Varsovie. Bah, naturellement. Et les dirigeants de ces pays, comprenant aussitôt le danger, sont les premiers à demander aux soviétiques de siffler la fin de la partie et de peser de tout leur poids pour en terminer avec le printemps de Prague. Une intervention militaire, quoi. Bah, on n'en est pas encore là, mais il est certain qu'à Moscou, des hiérarques communistes y pensent déjà. Les chefs de l'armée rouge ne sont pas les derniers à prôner cette solution. En effet, le printemps de Prague, s'il débouchait sur un découplage de la Tchécoslovaquie avec le pacte de Varsovie, menacerait leur plan. Quel plan ? Ils comptent installer 3 sites nucléaires en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire sur la frontière occidentale du bloc de l'Est. Des sites de fusées ? Vous voyez donc que la question n'est pas seulement politique, mais stratégique. Or, en URSS, le lobby militaro-industriel est tout puissant. Pourtant, à Moscou, au plus haut niveau, c'est-à-dire au Politburo, les discussions sont vives. Il n'y a pas unanimité. Non, et ça s'explique aisément. La précédente intervention militaire de l'armée rouge dans un pays socialiste... Non, vrai. Oui, cette intervention a eu des effets catastrophiques en termes d'image. Dans le monde entier, de nombreux communistes ont rompu avec le parti et des compagnons de route se sont éloignés. Khrouchtchev, lui-même, y a perdu le capital de sympathie que lui avait valu sa dénonciation des crimes de Staline. Et son successeur, Léonid Brejnev, hésite à prendre une initiative semblable. D'autant plus qu'il s'est engagé dans la politique de détente. La détente avec l'Ouest. Hein. Et il est même prévu la signature d'un traité de non-prolifération nucléaire en juillet 1968. Envoyer l'armée rouge en Tchécoslovaquie risquerait donc de ruiner des négociations entamées depuis de longs mois. Il faut souligner que tant à l'Ouest qu'à l'Est, on vit alors dans l'obsession d'une guerre par accident. Qu'est-ce que c'est une guerre par accident ? Une guerre nucléaire qui serait déclenchée à cause d'une erreur d'appréciation, par exemple, ou à cause d'un conflit adjacent. Au moment de la guerre des six jours, on était quand même passé tout près d'une conflagration mondiale. Ouais. Mais justement, alors, chez l'autre super grand, là, Washington, comment considère-t-on le printemps de Prague ? L'opinion états-unienne éclairée, comme l'ensemble de l'opinion occidentale, suit avec sympathie, bien sûr, la démocratisation impulsée par Alexandre Dubček. Mais à la Maison-Blanche, Johnson est beaucoup plus réservé. Et d'abord parce que le président américain a d'autres soucis. Ouais, le Vietnam. Bien entendu. Mmh. Mais si vous voulez bien, on reparlera un peu plus tard de l'attitude des Occidentaux vis-à-vis du printemps de Prague. C'est une des clés, cette affaire. Mmh. Alors, en attendant, revenons à ce que vous disiez là. À Moscou, on hésite. Tandis qu'à Prague, le printemps bat son plein. Mm-hmm. Le 1er mai 1968, par exemple, est l'occasion d'une formidable et joyeuse manifestation retransmise par la télévision et qui symbolise la rupture avec le système. Au lieu d'assister, comme d'habitude, à une ennuyeuse parade militaire, les Tchécoslovaques descendent dans la rue et expriment leur joie. Et on voit au milieu du défilé des banderoles insolentes avec ce slogan, par exemple, « Pour toujours avec l'URSS, mais pas un jour de plus ». Oui, c'est clair. Et à Moscou, c'est vécu comme une véritable gifle. Et les partisans d'une intervention militaire marquent des points. Ouais. Il y a donc deux camps au Kremlin. Oui. D'un côté, les durs, qui rêvent d'envoyer les chars à Prague. Et de l'autre, des dirigeants qui en tiennent pour une solution politique. Mais avec quel argument, alors ? Ben, ceux-là sont persuadés qu'il existe au sein du Parti communiste tchécoslovaque un noyau sain. Sain, c'est-à-dire non contaminé par les idées du printemps de Prague ? Exactement. Et ces soviétiques pensent qu'il est possible de s'appuyer sur ces éléments sains pour reprendre la main en Tchécoslovaquie. Ouais. Et y a-t-il quelque chose de vrai là-dessous ? Non. Ah. On en aura la preuve lors de la normalisation qui suivra l'invasion du mois d'août. Ces éléments sains, pardonnez-moi l'expression, commenceront d'abord par se défiler. Et Brejnev lui-même alors. Il tergiverse. Pendant dans l'ombre, on travaille à emporter sa décision. C'est qui ? Andropov et les services du KGB. Le futur numéro 1 de l'URSS, lui, a déjà choisi son camp, celui des faucons. Et sans attendre que les organes suprêmes se décident, il lance une subtile manœuvre de désinformation. Une manœuvre qui finira par obliger Brejnev à agir. En dehors des manœuvres secrètes d'Andropov, dont M. X va reparler, un événement met le feu aux poudres. La publication d'un texte tiré à 300 000 exemplaires fin juin 1968, le manifeste des 2000 mots. Co-signé par quelques 100 personnalités de tous horizons, ce document souligne les menaces qui pèsent sur la libéralisation tchécoslovaque. Et il en appelle un vrai coup de balai au sein des instances dirigeantes issues de l'ancien système. En voici un extrait. Le Parti communiste qui, après la guerre, possédait la confiance du peuple, a graduellement troqué cette confiance pour des places, jusqu'à ce qu'il ait toutes les places et rien d'autre. Nous devons le dire, et ceux parmi nous qui sont communistes le savent. Leur déception devant les résultats est aussi grande que la déception des autres. La ligne incorrecte des dirigeants a transformé le parti, qui était un parti politique et un groupement idéologique, en une organisation du pouvoir qui attirait les égoïstes avides de dominer, les lâches habiles et les gens ayant mauvaise conscience. Leur afflux dans le parti a affecté la nature et la conduite de celui-ci. Conclusion, je cite à nouveau, « Nous exigeons le départ de ceux qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont dégradé le patrimoine collectif et qui se sont comportés de façon malhonnête ou brutale. Il est indispensable de trouver les moyens de les obliger à partir. La possibilité de voir des forces étrangères intervenir dans notre évolution intérieure a été, ces derniers temps, une grande source d'appréhension. Face à ces forces supérieures, tout ce que nous pouvons faire, c'est de tenir les nôtres et de ne pas prendre d'initiative. » Néanmoins, malgré la prudence de cette dernière phrase, les signataires de ce texte en appellent à la mobilisation contre l'ennemi intérieur et extérieur. Alors que prépare Andropov ? Une opération qui porte bien mal son nom, Progrès. De quoi s'agit-il concrètement ? Vous savez bien sûr ce qu'est un illégal dans le jargon des spécialistes du renseignement. Ouais, c'est un espion sans couverture diplomatique. C'est ça. Un type suffisamment entraîné et habile pour s'être complètement infiltré dans le milieu étranger où il doit opérer. Et pour les soviétiques, ces grands espions formaient un peu l'aristocratie des agents. Des hommes qui, de retour en URSS, étaient généralement considérés comme des héros et traités en tant que tels. Eh bien, pour la première fois, le patron du KGB va utiliser ses super espions dans un pays socialiste. En Tchécoslovaquie, donc. Bien entendu. Parce que d'habitude, ces illégaux étaient envoyés à l'ouest. Hein. Naturellement. L'opération Progrès est conduite dans le plus grand secret. Même à Moscou, très peu de dirigeants sont dans la confidence. Et à Prague, où il existe déjà une résidence du KGB, Andropov décide la création d'une seconde résidence. Qui double la première. Effectivement. Et bien sûr, le service secret tchèque, le STB, est tenu à l'écart. Seul, son chef est au courant. Parce qu'il est violemment hostile au printemps de Prague. D'ailleurs, il ne tardera pas à être limogé par Douchek et ses amis. Mais auparavant, il aura transmis à Moscou un certain nombre de dossiers qui seront très utiles à Andropov lors de la normalisation. D'accord, mais quelle va être la mission de ces illégaux qui vont infiltrer la Tchécoslovaquie ? Ces espions, ils seront quelques dizaines, se font généralement passer pour des touristes, allemands, autrichiens ou britanniques. Alors qu'ils sont soviétiques ? Et là, ils ont pour la plupart une longue expérience d'illégal. Et il ne leur est pas très difficile d'apparaître comme d'authentiques touristes munis de passeports occidentaux. Alors, leur mission, me demandez-vous ? Ben oui. Ben, leur premier objectif, c'est l'infiltration des organisations les plus en pointe dans la contestation du système communiste. L'union des écrivains, la presse ou encore les clubs, comme celui des anciens prisonniers politiques. Quoi ? Dans quel but, là ? Obtenir des informations ? Mais aussi pour chauffer les esprits et exacerber les sentiments antisoviétiques des militants de ces mouvements. La provocation, ça. Un signal destiné à Moscou, où il s'agit de persuader les hiérarques soviétiques que la contestation est irréversible. Et qu'il faut donc intervenir au plus vite pour mettre fin au printemps de Prague. Hein. Naturellement. Ouais. Mais la mission des illégaux ne s'arrête pas là. On leur confie aussi la mise en œuvre de ce que les spécialistes du KGB appellent des mesures actives. Oui, c'est de la désinformation, ça. Oui, oui, le but, c'est de faire croire que les animateurs du printemps de Prague sont manipulés par l'Occident et qu'ils sont en réalité des contre-révolutionnaires. Des ennemis de classe, quoi. Et pour ce faire, ces illégaux vont monter une opération parfaitement machiavélique. L'installation d'une fausse cage d'armes américaines. Mais les vraies armes ? Ah, en effet. On découvrira plus tard que ces armes dataient de la Seconde Guerre mondiale et qu'elles faisaient partie de l'eau fournie par les États-Unis à leurs alliés soviétiques. En tout cas, l'affaire fait grand bruit car elle accrédite l'idée que les hommes du printemps de Prague sont en train de fomenter une véritable contre-révolution avec le soutien actif des puissances occidentales. Mais ici, si vous voulez bien, je voudrais faire une petite parenthèse. Allez-y, je vous écoute là. Pour certains des illégaux, ça se passera assez mal. Pourquoi ? Parce qu'ils seront découverts ? Non, non. Non, parce que lorsqu'ils rentreront en URSS, ils finiront par craquer. Psychologiquement ? Oui. Et au fond, ça s'explique assez bien. Ces illégaux qui ont longtemps vécu à l'Ouest ne sont pas des naïfs. Ils sont bien placés pour savoir que le paradis soviétique est une pure fiction. Et s'ils continuent à travailler pour le KGB, c'est par patriotisme. Mais soudain, plongés dans la ferveur et l'enthousiasme du printemps de Prague, ils sont contaminés à leur tour. Et ils vivent très mal le fait de trahir tous ces partisans d'un socialisme à visage humain qu'ils approuvent au fond d'eux-mêmes. Ils retournent leur veste ? Quand même pas, non. Mais ils ont mauvaise conscience. Et certains vont se réfugier dans l'alcool. Il y aura même des suicides. Ouais, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, quoi. Oui, on peut voir les choses comme ça. Toutefois, globalement, l'opération Progrès est un succès pour Andropov, puisqu'elle aboutira au déclenchement de l'invasion militaire en Tchécoslovaquie. Mais le patron du KGB aura dû jouer très serré et même désinformer Brejnev lui-même. Brejnev, comment ? Le résident du KGB à Washington s'appelle alors Oleg Kalougine. Cet agent qui agit sous couverture diplomatique est généralement bien informé. Et il est très introduit dans les milieux politiques états-uniens. Et il envoie à Moscou des dépêches où il s'inscrit en faux contre toute immixtion de la CIA dans l'effervescence tchécoslovaque. Mieux, il affirme que les États-Unis n'ont nullement l'intention de se mêler de ce qu'ils considèrent comme une affaire intérieure. Et nous allons bientôt voir pourquoi. Ouais. C'est la deuxième fois que vous me dites ça, là. Allons, bon, il y a encore un peu de patience. Les rapports de Kalougine sont donc envoyés à Moscou. Et qui en prend connaissance ? Andropov, bien sûr. Andropov qui se garde de faire parvenir ces informations au Politburo et à Léonid Brejnev. Bien au contraire, le patron du KGB ne cesse d'alimenter le Kremlin en faux renseignements impliquant l'Occident dans ce qu'il appelle la contre-révolution tchécoslovaque. Andropov n'hésite donc pas à intoxiquer le Kremlin. Exactement. Mmh. Et notez-le bien, c'est le même homme qui plus tard, au début des années 80, impulsera le mouvement de la perestroïka, que Gorbatchev reprendra ensuite à son compte. Comment expliquer là, cette contradiction ? Il n'y a pas de contradiction. Andropov est un réaliste. En 1968, il pense que si on laisse faire Douchek et ses amis, l'Empire soviétique finira par exploser. Et en 1981, il se rendra compte que la seule façon de sauver ce même empire, c'est de procéder à d'importantes réformes. Mais comme vous le savez, il est déjà trop tard. Alors, reprenons. Sous la pression d'Andropov, les faux comptes du Politburo l'emportent peu à peu. Oui, c'est-à-dire la décision d'intervenir par la force, quoi. C'est ça, une décision précédée par d'intenses tractations avec Dubček. Ce dernier semble un instant céder et lâcher du lest. Des accords sont même scellés. Mais Dubček est allé trop loin et ses partisans sont hostiles à tout retour en arrière. Ça permet aux Soviétiques d'affirmer que Dubček tergiverse et ment. Des Soviétiques qui sont eux-mêmes harcelés par les autres dirigeants du pacte de Varsovie, qui les pressent de passer à l'action. Ouais, toujours la peur de la contagion. Bien entendu. Ouais. Mais est-ce que Dubček là, et les siens ont pris conscience du danger qui les menace ? Sans doute. Et pourtant, jusqu'au bout, ils penseront que Moscou n'osera pas. Ouais, grave erreur. Hein. Mais Dubček était le dos au mur. Et au fond, que pouvait-il faire ? Appeler à l'insurrection, c'était mettre le pays à feu et à sang et provoquer des centaines, peut-être même des milliers de morts. C'est pourquoi les dirigeants du printemps de Prague ont demandé à l'armée de ne pas s'opposer à une éventuelle invasion. Et effectivement, lorsque les 600 000 soldats des troupes du pacte de Varsovie déferlent sur la Tchécoslovaquie, dans la nuit du 20 au 21 août, ils ne rencontrent aucune opposition armée. Hmm. 600 000, c'est énorme, hein ? Et il faudrait aussi compter les centaines d'Antonov qui déchargent sur les aérodromes, véhicules, les chars. Hmm. C'est donc que les Soviétiques s'attendaient à une forte résistance. Certainement. En fait, ils pensaient à une répétition de l'insurrection hongroise. Mais cette absence de réaction violente est trompeuse. Les Tchécoslovaques, dans leur immense majorité, désapprouvent l'intervention soviétique. D'ailleurs, une grève générale en témoigne presque aussitôt. Et Moscou s'aperçoit très vite que son intention première, la formation d'un gouvernement ouvrier anti-printemps de Prague, est condamnée à l'échec. Les communistes orthodoxes, je vous l'ai déjà dit, n'entendent pas se compromettre tant l'hostilité de la population est manifeste. Alors, dans ces conditions, que peuvent faire les Soviétiques User de patience. Dans un premier temps, vous en souvenez sans doute, ils ont arrêté Dubček et ses camarades. Oui, tous ont été conduits à Moscou. C'est exact. Mais rapidement, les Soviétiques ont dû composer et négocier avec Dubček, qui a accepté certaines de leurs conditions, et en particulier l'occupation de son pays par les troupes du pacte de Varsovie et l'abandon de quelques avancées du printemps de Prague. On le lui a beaucoup reproché. Hein. C'est juste. Mais que pouvait-il faire d'autre ? Mais l'ancien apparatchik, là, n'a-t-il pas cédé un peu trop vite ? La question reste posée. Et ça a sans doute empêché Dubček de revenir au premier plan lors de la révolution de velours, 20 ans plus tard. Mais c'est une autre question, et si vous en êtes d'accord, nous en reparlerons la semaine prochaine. Le résultat, en tout cas, c'est que la résistance passive de la population et des dirigeants du printemps de Prague a retardé la normalisation. Mais celle-ci était inévitable à terme. Et en avril 1979, elle s'est concrétisée par l'éviction de Dubček et son remplacement par un communiste pur et dur, Gustave Houssac. Alors revenons, il est temps quand même, à l'attitude occidentale, car c'est bien par là que vous voulez finir. Oui, oui, car cette attitude étonne tant elle a été prudente et même pleutre. Vous parlez des États-Unis, là ? Oh, pas seulement, la France aussi. Michel Debré, alors ministre des Affaires étrangères, a qualifié l'invasion soviétique d'accident de parcours. C'est dire l'importance qu'il y attachait. Non, les puissances occidentales se sont bien gardées d'intervenir. Et pourquoi, fondamentalement ? Oh, parce que l'essentiel, c'était la préservation de la détente qui venait de s'amorcer entre les deux blocs. Et ça, ça valait tous les atermoiements, toutes les lâchetés. D'autre part, les Américains étaient englués dans la guerre du Vietnam. Se montrer compréhensif dans l'affaire tchécoslovaque, que pouvait leur valoir une attitude plus nuancée des soviétiques qui soutenaient alors leur allié nord-vietnamien. Et puis il y avait le précédent hongrois. Ouais, c'est-à-dire le soutien accordé aux révoltés. Oh bah plus qu'un soutien, un encouragement, mais un encouragement essentiellement verbal, et qui, lorsque les chars de l'armée rouge ont entamé la répression, ne s'est traduit par aucun acte. Alors que les radios contrôlées par la CIA avaient au contraire laissé espérer une intervention directe de l'Occident. Par conséquent, les Américains n'ont pas voulu rééditer une telle faute qui a entraîné tant de morts chez les insurgés. Ordre a donc été donné à ces radios de faire silence. Et la Maison Blanche a laissé faire. La meilleure preuve, c'est que l'ambassadeur soviétique à Washington a pris soin de prévenir le président Johnson de l'imminence de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Eh bien, le président n'a émis aucune objection. Bien au contraire, le compte-rendu de cette rencontre mentionne l'excellent climat qui y a régné. Et même les rires de l'un et de l'autre. Les rires ? Malheureusement. En outre, la vérité oblige à le dire, Washington n'avait aucune envie que l'expérience d'Ouchek réussisse. Mais pourquoi alors ? Parce que l'eurocommunisme leur paraissait aussi dangereux que le communisme tout court. Résultat, la doctrine Brejnev a prévalu dans toute l'Europe de l'Est, une doctrine qui prônait des restrictions de souveraineté afin de protéger le socialisme, jusqu'en 1989. Nous verrons cela la semaine prochaine.